L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La recherche astronomique est ponctuée de découvertes surprenantes qui parfois impliquent de repenser entièrement certaines théories. C'est encore à une telle découverte que nous venons d'assister avec la découverte d'un groupe de 4 quasars côte à côte. Les quasars sont des galaxies actives dont le trou noir central est en train d'absorber de très grandes quantités de gaz. Cela produit un échauffement très fort du disque de matière tournant autour du trou noir, le rendant extrêmement brillant, plus brillant que plusieurs milliers de milliards d'étoiles, ce qui leur donne une visibilité à plus de 10 milliards d'années-lumière. C'est d'ailleurs majoritairement à cette époque reculée que l'on rencontre des quasars. L'émission de quasars se révèle n'être qu'une phase dans la vie d'une galaxie, et les astrophysiciens estiment que cette étape de la vie d'une galaxie ne dure qu'environ 10 millions d'années, ce qui est très court vis-à-vis de la durée de vie d'une galaxie. Joseph Enavi, du Max Planck Institute für Astronomie, et son équipe, qui publie leur découverte dans le numéro de cette semaine de la revue américaine Science, ont exploité le télescope hawaïen Keck de 10 mètres situé sur le volcan Mauna Kea. Ce qu'ils ont découvert, c'est le premier groupe de plusieurs quasars rapprochés. Les 4 quasars semblent par ailleurs alignés entre eux, ce qui rend la découverte encore plus jolie. Ce quartet de quasars se trouve à l'intérieur de l'une des plus vastes structures cosmiques existantes à cette distance. Ils sont par ailleurs entourés par une très vaste nébuleuse de gaz froid et dense qui s'étend sur 1 million d'années-lumière. Ce qui est surprenant, c'est que observer 4 quasars les uns à côté des autres comme ça est extrêmement improbable. Une chance sur 10 millions. Les quasars sont généralement trouvés seuls, séparés du plus proche voisin par plusieurs dizaines ou centaines de millions d'années. Et sont déjà des objets rares à trouver. Alors, en trouver 4 côte à côte... La nébuleuse du gaz entourant le groupe de quasars a été surnommée par les astronomes la nébuleuse du jackpot. Ouais, on comprend pourquoi. Le groupe de quasars et leur nébuleuse hôte se trouvent en fait dans une zone de l'univers lointain parmi les plus denses en matière. Il y a là plus de 100 fois plus de galaxies qu'ailleurs à la même distance. Et ce paquet de jeunes galaxies ressemble à ce qu'on appelle dans l'univers plus proche des amas de galaxies. C'est donc probablement l'ancêtre ou le progéniteur de nos amas de galaxies actuels. Comme les chercheurs ne croient pas qu'ils aient pu avoir autant de chances de voir un phénomène aussi rare, ils ont conclu qu'ils doivent revoir leur modèle de formation des grandes structures. Ils proposent que c'est l'environnement des jeunes galaxies qui pourrait probablement être à l'origine de l'activité des quasars. Cette activité peut être produite par exemple par des collisions ou des fusions de galaxies qui ont pour effet d'apporter quantité de gaz frais aux trous noirs centraux et qui sont tout de même plus probables au sein de proto-amas de galaxies qu'ailleurs. Mais la présence de la nébuleuse du jackpot, avec sa masse importante de gaz dense, peut aussi être la clé du mystère. C'est en tout cas ce que pense l'équipe allemande, car pour briller de la sorte, un quasar, et a fortiori 4, ont besoin de beaucoup d'hydrogène à absorber. Et la présence de la nébuleuse est un élément très favorable. Mais ce qui rend perplexe les astrophysiciens, c'est qu'une telle masse de gaz froid, 100 milliards de masses solaires tout de même, est tout à fait inattendue dans ce type de proto-amas de galaxies à 10 milliards d'années-lumière. Ou à l'inverse, c'est du gaz diffus et chaud qui est attendu d'après les modèles de formation des grandes structures cosmiques actuelles. Alors que penser ? Comme dit l'auteur principal de l'étude, les événements extrêmement rares ont le pouvoir de renverser des théories bien installées. Et oui, c'est bel et bien vers un retour au tableau noir des cosmologistes que cette jolie découverte va entraîner les spécialistes. L'article est paru dans Science le 15 mai, par Joseph Enavi et al, avec le titre Quasar Quartet Embedded in Giant Nebulae Reveals Rare Massive Structure in Distant Universe. À très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, sur lequel vous pouvez toujours retrouver un quiz hebdomadaire. Nous en sommes déjà au 9e et c'est bientôt la fin, car il y en aura 10, si vous êtes sages. Allez, à très bientôt.